Bon, numéro 147, votre fonction dans la vie. Je sais que beaucoup de gens, quand ils sont dans des grosses crises d'identité, se cherchent une utilité justement pour avoir une valeur d'échange et conséquemment de pouvoir subvenir à leurs besoins et évidemment avoir vis-à-vis des autres une marque d'affection ou une capacité de dire, ben, tu m'aimes-tu, je t'aime bien. On peut être des amis, on peut se marier, je suis important dans ta vie. Tu sais, tous les gros questionnements de l'existence passent beaucoup par la recherche d'une fonction pour se donner une assurance d'avoir un rôle à jouer dans les gens. Fait que c'est beaucoup l'affaire du rôle. On veut, dans l'échange, avoir comme quelque chose de particulier. Combien de dogs avez-vous déjà mangé dans la vie? Au moins une centaine. Il peut y avoir différentes sortes de hot dogs, mais un hot dog, c'est un hot dog. Pourquoi vous voulez être différent? Quand tu veux manger un hot dog, tu ne veux pas te souvenir du hot dog que tu as mangé il y a 10 ans. Tu veux manger le prochain hot dog qui va rentrer. Chaque hot dog a la fonction de te remplir la bedaine, puis d'avoir un petit goût particulier, relish moutarde, oignon, tomate. Va chez Harvey, ils vont t'en donner un. Si vous éliminez dans vie, dans l'affaire du rôle, le caractère unique, tu peux avoir un rôle simple et commun et avoir un rôle dans vie. Mais là, vous voulez avoir quelque chose qui. Vous voulez être, je ne sais pas, moi. Vous voulez être différent, spécial. Mais c'est pas tellement d'être spécial, c'est d'être spécial pour un événement ou pour une personne ou pour quelques personnes qui est important. Mais c'est pas d'avoir un rôle qui est différent de tout le reste de la planète. Tu sais, les gens vont dire, moi j'ai une Corvette une telle année, puis ils en ont produit juste 200 dans toute l'historique de vie de la Corvette. Fait que c'est comme l'être humain est pris à cause de la réflexion puis à cause de l'ego, de la recherche d'une fonction qui est particulière, en d'autres termes, qui s'échange pas avec tout le monde, qui s'échange pas parce que c'est pas quantitatif. Alors que les meilleures fonctions dans la vie, c'est les fonctions où ta fonction répond à des milliers d'individus. OK? T'es dentiste, comme Fernand, puis tu réponds à 30 000 clients dans ta vie. Il y a bien des dentistes sur la planète. Mais la fonction d'arracher des dents peut se faire différemment, mais il reste quand même que c'est soulager quelqu'un d'un empoisonnement dentaire, ou je ne sais pas, une affaire qui fait que ça fait mal. Et puis, tu sais, quand tu as besoin d'une personne, tu as besoin surtout qu'elle fasse un travail qui va t'enlever un mal ou une particularité quelconque. Donc, bien important de comprendre que le rôle peut vous isoler et vous empêcher de voir votre fonction parce que vous voulez avoir un rôle qui est unique. Vous voulez avoir un rôle que les gens dépendent de vous autres. Mais si vous enlevez tout ça, vous pouvez avoir des fonctions très. Ça peut être très sophistiqué, mais il faut regarder le rôle qu'on joue comme possible de s'étendre à beaucoup de gens, à la limite de tes capacités. Infirmière, ça peut être un rôle de soutien pour des gens qui ont des problématiques physiques, psychologiques, peu importe la problématique médicale. Et puis, plus tu es capable de répondre à des milliers de gens, plus ton rôle est facile à saisir. Fait que quand vous cherchez votre fonction dans la vie, puis vous voulez vraiment que ça soit excessivement différent des autres, c'est bien difficile de le voir parce que vous ne voyez pas l'action que ça a dans la vie. Tu sais, moi, j'ai rencontré, quoi, 40 000 personnes faciles en consultation avec tout le temps faire voir à des gens le caractère crédible de l'occulte dans la matière. Fait que mon rôle, c'est un peu comme tout ascendant sagittaire, c'est de faire le pont entre l'invisible et le matériel. Et je forme les gens à faire des lectures entre l'invisible et le matériel. je forme des gens à leur faire voir leur côté, leur côté invisible pour que dans leur vie matérielle, ça leur serve. 40 000, 1 million, amusant. Plus je vais le faire, plus je vais être sûr de mon rôle. Monsieur, où? Mais si votre rôle, vous ne le voyez pas, c'est parce que vous ne regardez pas le caractère multiplié de votre vie. Là. Tu sais, le qu'est-ce qui s'est multiplié dans votre vie? Claire, elle me dit, c'est quoi mon rôle? Tu fais sortir les instincts. Mais ça, c'est une affaire que tu fais juste te promener dans la rue, puis ça va se faire. Tu vas rentrer dans un environnement, un party, un travail, puis ça va se produire. Mais c'est pas d'être mannequin, ton rôle. Ton rôle, c'est de faire sortir les instincts. Que tu le fasses dans le mannequin, que tu le fasses comme secrétaire, comme personne qui répond aux desks, là, comment ils appellent ça, là, les réceptionnistes, l'affaire-là. La job se fait tout le temps. Mais il faut que tu sois capable d'expandre ta perception à autre chose qu'un travail. Un travail, c'est pas nécessairement une fonction, mais ton travail peut très bien coller à ta fonction. Est-ce que comprends-tu? Oui. Mais votre travail n'est pas nécessairement votre fonction. Vous pouvez avoir une fonction qui passe par un travail, parce que c'est plus facile d'accéder à plusieurs personnes, mais tu peux aussi avoir une fonction qui est très occultée, parce que tu as de l'air d'avoir une petite vie, mais tu sais, je sais pas, tu sauves le président des États-Unis une fois dans ta vie. Tu es venu au monde pour ça. Tu avais une fonction d'être un élément d'intervention pour empêcher qu'un meurtre de président se fasse. Puis tu es venu au monde pour ça. Puis tout le reste de ta vie est banal. Mais la dynamique qu'on a dans la vie, on veut la taguer pour y mettre un prix. Ah, j'ai fait 150$ de l'heure. On veut se faire évaluer par l'environnement avec une force économique, avec une vision économique ou une vision de valeur, mais toujours une recherche de supériorité. Puis ce qui est supérieur en général pour les gens, c'est quelque chose de rare. Donc, tu dis, si je suis banal dans la vie, c'est parce que je vaux pas cher. Moi, quand je travaille pas, je vaux pas cher. Mais si je commence à dire, ah ben si je fais un CD par jour, je fais 150$ par jour. Je vends 10 CD à 15$, puis ma journée, j'ai fait 150. J'ai déjà pensé de même. Mais c'était acheté une tour à duplicater, puis j'ai dit, bon, avec juste une tour, si je fais tant de CD, je fais 85 000 par année, juste à faire des CD. Y a-t-il quelqu'un qui veut une duplicateur? J'en ai une à vendre, là, 200$. Puis vous pouvez, théoriquement, dire quelque chose sur le CD, puis le duplicater, puis faire 85 000 par année. OK? En théorie. Problème? À un moment donné, j'ai dit, ouais, la machine, elle peut produire pour 85 000 piastres par année. Mais est-ce qu'il y a du monde qui sont prêts à acheter ce que tu as à faire en duplication pour 85 000 par année? Là, j'ai déchanté parce que j'ai dit, ouais, il faudrait que j'aille d'autres choses à dire que ce que je dis parce que ça ne se vendra pas pour 85 000 par année. Bon, bien, une fonction, c'est un petit peu ça. Vous pouvez avoir une fonction qui n'est pas utilisable pendant X temps de votre vie, puis qu'à un moment donné, whoop, pouf, ça apparaît, ça rentre sur Facebook, ça devient viral. Mais pendant X années de votre vie, c'est pas viral. Il faut vraiment comprendre la fonction d'un point de vue occulte pour comprendre que c'est expanded, que ça s'expande. Parce que si on le regarde d'un point de vue purement application concrète, vous pouvez être déçu. Parce que c'est pas nécessairement collé à un salaire. Moi, je change la vie à des gens, puis il y a des formateurs d'une compagnie qui font 1 000$ par jour à faire bien moins que ce que je fais. Fait que mon travail vaut plus cher qu'eux autres, mais eux autres sont appointés à une actualité et à une reconnaissance publique qui lui permet de demander 1 000$ puis 2 000$ par jour. Donc, c'est pas tellement votre fonction comme la valeur que les autres donnent à votre fonction qui va apparaître dans une forme matérielle. Claude, il ne parle pas de ce qu'il sait. Il travaille dans des bebelles avec autoquad, puis des bebelles de même. Tu sais, c'est des affaires d'engineering. Mais ce n'est pas sa fonction de faire de l'engineering. Tu sais, il pourrait faire d'autres choses que ça. Mais d'être dans le milieu, puis le rayonnement qu'il a, ça fait sa fonction, mais c'est pas nécessairement reconnu dans sa fonction. Il va être reconnu pour un travail qu'on lui donne tant de l'heure à faire dans l'engineering. Vous me suivez? Gilles, il est émondeur. OK, bon, c'est sa fonction d'être émondeur. Non, c'est sa job pour vivre. Mais il peut avoir une fonction qui est beaucoup plus occultée, qui est de rendre pratique et concret des aspects de la vie qui sont perçus occultement ou qui peuvent s'apercevoir occultement. Il est intéressé à comprendre ce qu'il fait par le biais de ma personne, mais il est bien plus intéressé à ce qui se fait qu'à comprendre ce qui se fait. Vous me suivez? Fait que si sa fonction, c'est d'amener les gens à passer à l'action, il n'a pas besoin d'avoir à penser à sa fonction, mais il a besoin de vivre, il a besoin de travailler pour que dans la société, on lui reconnaisse quelque chose, qu'il fasse la bourse, qu'il fasse les montages d'arbres ou qu'il fasse les déménagements. Ça reste que sa fonction est occultée, puis c'est pas dans sa job que tu vas savoir c'est quoi sa fonction. Donc, il faut que vous ayez une lecture qui est très dégagée de ce qui est quelque chose de rentable dans votre vie. Être supérieur, c'est un besoin de l'ego. Mais être utile, sans le savoir nécessairement, ça, c'est une prérogative de l'esprit. L'esprit, il vous emmène là où vous pouvez. Voyons. Tu vas l'échapper, hein? Tu ne l'échapperas pas. Et voilà. Être utile, c'est une prérogative de l'esprit. C'est plus important dans la vie d'être utile que d'être supérieur pour donner à l'ego une particularité. L'avenir du couple dans le futur, c'est dans l'être utile à l'autre plutôt que d'être propriétaire de l'autre. Pour des gens assez évolués, c'est facile à comprendre. Pour des gens qui sont, qui sont barbares, ça se comprend pas, ça. Parce que pour eux autres, c'est la propriété qui compte. Tu sais, le gars qui va dire, moi, j'ai besoin de 4 femmes dans ma vie, parce qu'il est arabe, il n'a pas compris que être utile à 4 personnes, c'est les assister dans un développement. Il veut juste vivre de la propriété. Il veut avoir une sensation que s'il est capable de faire vivre 30 femmes, il est supérieur à l'autre qui n'est pas capable d'en faire vivre plus que 10-12. Mais ça reste tout le temps à la femme est esclave de l'homme. Tandis que si on tombe dans le être utile, dans l'esprit, on va tomber dans qu'est-ce que tu peux faire pour rendre l'autre libre de ta personne et en même temps attaché à ta personne. Attaché parce que la personne a besoin de se développer, avec toi elle se développe, mais elle ne sent pas obligée à ta personne. Vous me suivez? Fait que si vous êtes un être utile plutôt qu'un être supérieur, vous êtes plus évolué que l'autre qui cherche à être supérieur puis donner à son ego une impression de puissance par le biais de la propriété. Qu'est-ce que ça peut, pour un individu qui est sa planète, qu'est-ce que ça peut faire d'être évolué si ça ne donne pas de puissance dans le sens de la forme? C'est que ce que tu es aujourd'hui ou dans l'incarnation que tu as, c'est une cuisine, c'est une recette qui a été concoctée ces plans, puis qui ont dit, bon, ben là, il faut qu'ils vivent telle expérience, puis on va leur amener ça à terre pour qu'ils vivent ça, pour pouvoir l'emmener à une autre perception de la vibration, puis à une autre perception de la vie. OK? Quand tu vis avec l'impression que tu as juste une vie à vivre, tu n'es pas capable de voir cette dimension-là. Mais si tu vois tes vies en termes de plusieurs incarnations pour aller vivre différentes expériences, bien là, être riche, pas être riche, être évolué, pas évolué, là, ça commence à avoir des nuances. Moi, si je vis ma vie et je dis « Ah, je suis privé de ça, la vie ne me permet pas d'avoir ça », je ne verrai pas ça comme un manque ou une carence. Je vais vivre ça comme ça pourrait empêcher mon développement de se faire. Si je prie avec, exemple, trop d'argent, j'aurais peut-être pas nécessairement le goût de me ramasser devant 16 personnes à 60 piastres chaque. On va dire, crie, j'ai pas moins de ça, c'est-tu qui mange le mal. Ils veulent évoluer, eux autres, ils se trouvent une façon d'évoluer. Bon, si les fosses savent que je peux avoir ça comme comportement, ils vont m'appauvrir pour dire « Ah, ils me sauvent le cul, eux autres, une chance qu'ils sont venus. » Vous suivez? Puis là, ils vont me faire faire des choses que je ne ferais pas si j'étais dans une autre condition économique ou une autre condition du sentimental. Combien de femmes que j'ai rencontrées puis que j'ai pris des confidences, puis Chris, on était en couple pendant une heure, deux heures de temps. J'ai une femme, moi, dans ma soupe, là, qui a une logique de psychologie. « Bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit, là, elle, là, là, tu sais? T'as-tu compté sa vie encore, là? » Puis, là, c'est des guerres de jalousie. Tu peux pas, t'es pas capable de faire ton travail. Fait qu'ils vont te placer une vie de couple à chier pour que tu sois disponible à 45 000 femmes. Sans avoir une volonté d'avoir un RM, tu vas avoir participé à leur évolution personnelle en n'étant pas propriétaire. On va dire, fuck, le gars me comprend, puis il n'est pas propriétaire, puis il ne cherche pas à contrôler ma vie, puis j'ai plus avancé en deux heures avec lui qu'en deux ans avec mon chum. Vous me suivez? Mais il faut qu'il te crée des conditions pour faire ta fonction, et puis ça, cette condition-là, change d'une vie à l'autre. Mais c'est sûr que si tu ne vois pas tes vies comme multiples, dans le sens que tu es à plusieurs niveaux, des plans, plan mental, plan émotionnel, plan papa, puis tu ne te vois pas dans des incarnations, tu peux pas dire c'est ça, là, c'est impossible. Donc, il y a des prérogatives à une incarnation pour être capable d'accepter qu'il y ait des plans différents et qu'il y ait des incarnations qui sont différentes et puis que l'incarnation dans laquelle tu es n'est pas plus supérieure qu'un autre, parce que tu peux très bien avoir un avantage X, tu peux être un bon sportif, ou un bon ci, ou un bon ça, mais tu es handicapé au niveau mental pour telle affaire. Fait que l'évolution d'un individu, c'est une lecture de soi dans l'aspect dégagé de la volonté de l'ego. La fonction, elle se place dans le « qu'est-ce que tu penses pas que tu fais tout le temps ». Pour ça, je dis souvent aux gens, tu veux savoir ta fonction, regarde ce que tu fais depuis que tu es né. Dans une zone où tu n'avais pas d'études pour pouvoir être telle affaire. Puis dire à des gens qui n'ont pas de titre dans la vie, là, tu sais, qui sortent de la rue, puis moi, j'ai pas d'études, je sais pas écrire, talala, tu dis, écoute, tu fais ta fonction, tu es bien utile dans ton milieu. Tu sais, tu vas dire à quelqu'un qui a pas d'études, tu dis, écoute, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, mais est-ce que tu es dynamique? Puis quand les gens sont découragés, tu as toujours la petite phrase qui va faire que tu vas les remettre ça à trac. Et ça, c'est bien plus important que le gros trou de cul, c'est qui brasse des papiers pour faire 2000 piastres dans la journée, puis qu'il n'y a pas de considération pour son environnement, qu'il n'y a pas de solidarité, qu'il n'y a pas de capacité de faire bouger les choses autre que s'il y a un profit. Vous me savez? Il y a une fonction bien moins importante que la tienne. Que toi, avec rien, tu fais des miracles qu'avec une personne qui est sur le bord du suicide. Donc, la notion de fonction, de meilleur que, de supériorité ou quoi que ce soit, elle disparaît quand c'est occulté. Mais elle apparaît quand l'ego commence à vouloir lui donner du glamour. Il y a des gens qui m'ont été utiles dans le au-delà de ce qu'ils veulent être. Puis quand ils veulent être, ils me font tellement chier que je lui donne 6 mois de vacances. Vous me suivez? Parce que je ne veux pas y voir. Mais quand je vais y voir, puis qu'ils sont vulnérables ou n'importe quoi, ils me sont plus utiles là que quand ils veulent être quelque chose. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez être qui fait votre fonction. Votre fonction, ça se fait dans l'aspect occulte de l'être qui a besoin d'être quelque chose pour la société, pour survivre, mais qui n'a pas d'importance plus. Votre fonction a plus d'importance que votre perception égoïque de vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme, moi que je charge un montant pour faire une conférence, puis qu'une personne vienne m'aider, je peux faire autant de travail à l'aider dans le char, à parler, sans charger, puis au contraire, c'est moi qui paye, il faut le faire pareil. Puis je vais lui donner une consultation qui va changer sa vie, puis en plus, je vais lui donner 60$. C'est comme, voyons, ça ne marche pas. Et si tu regardes ça d'un point de vue de l'ego, ça ne marche pas. Mais si tu regardes ça du point de vue de l'occulte, c'est comme ça que ça marche. Il y a des affaires que vous faites dans votre fonction qui n'ont pas de salaire. Puis que même pire que ça, vous allez payer pour, en plus. Comme moi, aller chez le vétérinaire le soir, tabarnak, payer 63 piastres me fait dire qu'il ne savait pas ce que c'était. Tu sais, écoute, ben, il ne change pas collé si tu ne le sais pas. Tu sais, comment tu veux dire? Non, mais ils ont fait une fonction de pas me donner de sécurité puis de me confirmer que j'ai pas besoin d'eux autres. Je sais pas, vous comprenez. Je vais attendre que ça tombe, son oreille. Il va mourir un jour, là, si. Comment tu veux dire? Fait que l'évolution de l'être puis la fonction de l'être, c'est intimement lié un dans l'autre. J'ai évolué sur ma fonction, mais j'ai pas évolué sur le travail d'astrologue. Aujourd'hui, je peux en faire d'astrologie, parce que j'ai dépassé ça. Fait que mon évolution personnelle est plus dans l'astrologie. Où elle était dans la fonction que j'avais de faire un rapport entre l'invisible et le matériel. Dans un sens, je suis plus proche de Gilles que bien du monde parmi vous autres qui n'ont pas la même fonction. Mais lui, la façon qu'il vise ou qu'il vibre sa vie, c'est dérangeant pour les autres. Mais il est coté ou il est tagué émondeur. Il est moins insécurisant que moi qui va me taguer occultiste ou supramentaliste ou... Tu sais, le gars qui joue dans ton cerveau, je suis bien plus facile à critiquer moi que lui va se faire critiquer s'il parle d'occulte, parce qu'on ne lui donnera pas le crédit d'un travail pour faire de l'occulte. On lui donnera le crédit d'être émondeur. Fait qu'il a la paix, puis il peut faire plus d'argent comme ça aussi, de toute façon, que moi qui va être occultiste, puis qui va se faire continuellement critiquer sur ce que j'affirme, parce qu'il va... Hop, excusez. Ils vont dire, moi, je crois pas à ça... Moi, là, ta façon de vivre, là, j'en veux pas, tu sais, ça va être du comparable puis du comparatif tout le temps. Donc, faire une fonction, si ça va direct à votre travail, ça peut être plus difficile de faire votre fonction que quelqu'un qui fait sa fonction puis qui est bien occulte. Une personne comme Claire, qui est bien dynamique, puis qui a 80 ans, qui organise des courses de roulettes dans des centres de petits vieux, là, les roulettes étant des chaises... Des chaises roulantes, oui, c'est ça. Tu vois, ma Claire qui organise un concours de roulettes, 2 piastres pour l'inscription. On donne 5 piastres à celui qui gagne. Oui. Hey, monsieur Desjardins, là, tournez, vous allez prendre le... Ah, ça y est, il est hors de la compétition. Trop vieux, vous savez pas tourner à droite. Fait que... Puis là, on peut-tu vous soigner? Moi, vous envoyez quelqu'un. Puis là, elle devient organisatrice de l'hôpital ou du centre de pépère. Et puis, elle va faire sa fonction. Elle va libérer les derniers instincts avant de crever. Tu vois, tous les petits vieux de ce place-là, où aller sur l'étage, ils meurent tous le sourire aux lèvres. Débile. Elle a fait sa fonction. Pourtant, elle a été agence de mannequin, elle a été mannequin, talalala. Fait bien des mémoires, mais que quand tu es rendu dans la place là-bas, c'est ces compétitions de roulette qui est importante. Puis le fait de pomper les gens, puis de les faire mourir plus vite, quoi. C'est simple de même. C'est très important de comprendre que c'est multifonctionnel. Tu sais, vous êtes multifonctionnel dans la forme. Mais vous avez une fonction, juste une, mais vous n'avez bien des façons de la faire ou de la faire passer. C'est pour ça que c'est dur quand les gens me disent « C'est quoi ma fonction? » Parce qu'ils cherchent quelque chose pour aller chercher un job. Puis c'est pas... Tu sais, moi, je pourrais dire « ben je vais faire des balles, fabriquer des balles, là, je peux me présenter comme armurier, mais ça sera jamais payant comme le travail que je fais. Mais ça va être plus populaire que le travail que je fais. Je vais avoir plus de chances de rencontrer 200 personnes par semaine à travailler dans les armes. » Qu'à parler à Dundee de comment traire ses vaches puis évoluer ses plans. Il y a comme des choses que tu ne peux pas faire selon la crédibilité du milieu pour certaines choses. Fait que, regardez votre évolution, puis votre évolution est connectée à votre fonction. Là, si vous dites, ah ben moi, je n'ai pas évolué, je suis né à l'âge de 12 ans, ben, je dis dans le sens que j'ai commencé à réaliser la vie à 12 ans. Mais j'ai pas fait de fonction utile avant que je travaille. Là, c'est parce que vous vous mesurez sur un titre, vous vous mesurez sur un salaire, puis vous vous mesurez sur une popularité. Mais votre fonction a déjà commencé. Vous aviez 2 ans, 3 ans, ça s'est fait dans votre famille. Et puis, ça s'est perpétué sous différentes formes au cours de votre vie. C'est pour ça que si je vous dis, exemple, tu sais, j'ai déjà dit à Alexine, tu t'occupes des gens juste quand ils sont sur le bord de crever. Fait que t'es né pour t'occuper des gens qui sont en train de tomber, tout le temps. Et puis là, elle va dire, « Ouais, mais pourquoi ma fonction, ça serait juste ça? » Bien, juste ça, tout est relatif. Bien finir sa vie, des fois, ça demande un accompagnement. Tu sais? Puis, j'ai dit, « As-tu déjà pensé que ce que tu fais, tu vas te le faire vivre? » En d'autres termes, tu vas aussi, toi, avoir besoin d'un accompagnateur. Fait que comment tu as fait ta fonction, ça va être retourné par un autre individu qui va avoir une fonction similaire à la vôtre, à la tienne. Puis que si tu as bien fait ta fonction, la personne va bien faire sa fonction. Tu vois-tu, Alexine, dans un concours de roulette avec Claire sur l'étage? Elle a besoin de bien s'entendre avec Claire, parce que Claire a pu placer 2-3 escaliers. Ou... Tu sais que dans le tournant, oups, ça descend de 2 étages. Mais s'il y a une bonne fonction, on va dire, fais attention, la boule dans le coin, si tu ne prends pas ta curve comme il faut, tu vas descendre 2 étages. Quand tu es averti, c'est déjà quelqu'un qui pense à toi. Là. Fait que l'évolution d'un être, c'est conséquentiel. En d'autres termes, comment vous évoluez, ça a des conséquences sur votre futur, puis ça a des conséquences sur le... T'sais, c'est comme, vous allez avoir le résultat de votre examen dans quand vous allez avoir à vivre le retour de votre fonction. T'sais, elle va s'occuper des petits vieux, puis même, c'est elle, la petite vieille, qu'on va s'occuper d'elle. Bon, comment ça se passe, ça va se passer, comment on va s'occuper d'elle, ça va se passer exactement comment qu'elle pense. Comment elle évolue, qu'elle peut vouloir cacher, puis qu'elle peut cacher toute sa vie, elle va l'avoir d'en face, à la fin. Parce que c'est à la fin qu'on corrige l'examen, c'est pas pendant que tu le fais, l'examen. Ton examen est corrigé à la fin de l'examen que tu as fait. Donc, dans votre fonction, il y a un temps de révélation, puis il y a un temps d'actualisation. La révélation étant, quand tu t'es beaucoup actualisé, tu peux constater que tu as telle fonction. Mère Teresa, c'est assez clair. Un premier ministre d'un Québec ou des États-Unis, tu vois son style de gestion, puis tu vois sa fonction. Voir la fonction de Justin Trudeau, tu vois que c'est plus show-off que mature. Tandis que Harper, c'était plus sérieux, très mature, mais... C'était pas show-off, ben. Fait que tu vois que le titre de premier ministre n'établit pas le genre de comportement, mais un comportement où la fonction peut s'intégrer dans le titre de premier ministre. Mais tu peux avoir différents types de gestion de premier ministre avec différentes fonctions qui apparaissent là-dedans. C'est prouvé, j'ai lu ça au journal le matin, qu'un pattern de coupure puis de... Le déficit zéro, puis de limitation, quoi que ce soit, ça appauvrit plus le Québec, ça appauvrit plus le pays qu'un gestionnaire qui va ouvrir les valves puis qui fuck le déficit zéro, puis on y va pour la dépense parce qu'on va créer de la richesse. Ça, c'était prouvé, là. Un matin, là, ils ont... Oui, c'est ça, ça tue l'économie, ça tue le moral des gens. Et voilà, voilà. C'est ça. Donc, Harper n'avait pas la bonne recette. Puis Trudeau, malgré le fait qu'il y a de l'air extrêmement volatile, il a la meilleure recette. La meilleure recette, c'est de comprendre qu'un pays, c'est géré par la tête des gens. Toi, tu vas gérer ton budget avec ta tête. Puis, dépendant de comment on dirige ta tête dans les structures gouvernementales, il y a quand même une influence. Moi, je dis, à cause des règlements, je suis obligé de me ramasser à Dundee. Ça l'a joué dans ma tête. Bon, mais il y a plein d'affaires au niveau du gouvernement qui jose dans la tête des gens. Puis les gens vont se sentir pauvres ou riches selon comment ça se passe dans leur tête. Tu sais, un pauvre qui s'enriche, il est riche. Au même salaire, il est riche parce qu'il pense qu'il est riche. Mais un riche qui se pense pauvre parce qu'on lui impose des conditions économiques, mais qui vit très bien, il va se sentir pauvre ou il va se diminuer en quelque part parce que il fait des comparaisons, puis il se mesure à d'autres. Fait que tout est relatif. Fait que la fonction qu'on fait dans la vie des gens, ça peut être une fonction qui a des caractéristiques négatives, puis d'autres qui ont des fonctions qui ont des caractéristiques positives. On va regarder un bandit, il te vole, il a une caractéristique négative. Mais tu peux aussi dire, il te vole, mais il t'oblige à refaire ta garde-robe. Il t'oblige à t'acheter des nouveaux bijoux. Tu sais, la vie, l'argent qu'on te donne, c'est les forces qui te le donnent. Fait que les forces t'enlèvent ou te donnent, selon le comment tu évolues. Puis ils font, tout est fait selon une évolution. C'est, l'évolution, c'est pas une quantification de résultats vérifiables par l'ego. Tu peux pas vérifier avec l'ego. Il y a des gens qui sont... Mais il n'y a rien comme pas penser, rien... Tu penses pas, tu vois un mouvement se partir, puis tu rentres dedans, puis ah ouais, on y va, puis ça marche. OK, là, moi, je suis pas capable de faire ça, j'ai besoin de garantie, j'ai besoin de... toutes les astuces de patentes que l'ego peut inventer. Puis, vous savez, moi, si je fais pas ça de telle façon, ben ça marche pas. Bon, OK, fine. Mais il reste quand même que t'as pas nécessairement la vérité. Tu peux avoir ta vérité, mais la réalité peut être beaucoup plus vaste que ta vérité. Dans la mesure que tu es capable d'accepter qu'il y a d'autres choses que ton nombril, sa planète, qui peut faire que tu vas vivre, la vie est belle. Moi, j'ai vu un gars, il m'a impressionné. Il a dompté un alligator. Tu sais, Chris, il faut le faire. Là. Quand tu dis qu'il y a un crocodile de 18 pieds, c'est ton gardien chez vous. C'est lui qui empêche les gens de venir voler. Excuse-moi, là, c'est comme beaucoup trop pour mes petits nerfs, ça. Mais le gars l'a fait pareil. Puis ça, quand tu le vois visuellement, tu vois qu'il n'y a pas de montage là-dedans. Là. C'est pas un film de Star Wars. Toute la vie, la fonction du gars, lui, là, de l'avoir filmé, il y a un gars qui était le voir pour le filmer, moi, sa fonction, c'est de voir que de l'impossible, ça, c'est possible. Christ! Fait que c'est ça pour vous dire que votre fonction, faut pas que tu t'en occupes à la naissance, parce que des fois, c'est comme les espions russes là, qui se cachent dans des containers puis qui ressortent après un coup de téléphone. Ben là, tu rentres en fonction, tu as une chance. Ça faisait 2 ans que j'étais dans le container. C'est mon cousin qui est dans GRC, qui était agent double, puis qui me disait ça. Il y a des taupes, là, des gars qui reçoivent un téléphone, ils ont un code, ils reçoivent le code, puis là, ils rentrent en fonction. Puis que tout le reste du temps, il y avait une petite vie tranquille, là. T'es un bon russe, là, tu sais, puis tu le quittes. Tandis que moi, je suis pas russe, je suis rustre. Comme les djihadistes. Probablement. Tu sais, fait que c'est comme une fonction, c'est tellement programmé sur des plans subtils que pour le faire apparaître, il faut multiplier les actes. Puis que plus vous multipliez les actes, comme moi, si je dis à quelqu'un, ben écoute, toi, tu fais vivre telle affaire. Bien, la personne, si elle le remarque, puis elle le remarque, elle va se rendre compte qu'elle fait souvent maudit dans sa vie. Puis que c'est plus une affaire de homme puis de femme, mais que c'est une affaire d'être à être, comme tel. Tu sais, j'imagine une infirmière qui dit, moi, je traite juste les femmes. Il y a des petits problèmes dans la société. Je traite pas d'arabes. Ils sont trop machos. Tu sais, cliquette. Bien, tu sais, si sa fonction, c'est de s'occuper des gens quand ils sont malades, elle commence à mettre l'ego là-dedans. Ça peut devenir extrêmement compliqué. Donc, tu ne mets pas de complications, tu laisses faire les choses, puis tu fais juste remarquer ce que tu fais. Là, la vie, elle commence à avoir un sens. Puis je vous le dis, là, votre fonction, le traitement que vous donnez aux autres, c'est le traitement que vous allez avoir à vivre. Okay. Moi, j'imagine un extraterrestre qui dit, bon, ta veille de crever, là, puis on va t'expliquer comment tu vas passer ses plans. Parce que j'ai passé ma vie à expliquer aux gens comment ça se passe, ses plans. Je serais pas surpris. Je dirais, bon, il était temps que tu arrives, que je t'ai tanné, que je t'ai rendu, il y avait juste des salles de 2 personnes. T'sais, on le savait, puis on te checkait, puis ça fait déjà un bon 60 ans qu'on te check. Ça se comprend-tu, l'affaire de la fonction, que c'est bien occulte, mais que dans vos actes, vous pouvez savoir ce que vous faites, puis que vous n'avez pas nécessairement une fonction apparente, reconnue par vous-même, jeune, que ça peut se faire beaucoup plus tard, puis que c'est sûr que ça va aller plus vite si des gens, dans des petites phrases célèbres, vous disent « Ah, tu m'as fait comprendre ça, tu m'as fait vivre ça », puis que là, vous voyez que vous êtes un instigateur, vous faites partie d'une pièce de théâtre, l'autre a un rôle, c'est sûr, dans votre vie, mais vous avez aussi à avoir la lecture du rôle que vous avez dans la vie de l'autre. Moi, j'observe beaucoup le comportement des gens, puis c'est plus facile pour moi de dire « Ah, tu as telle fonction », et puis, c'est pas multiplié par 2000, mais tu as un rôle clé à jouer dans un environnement donné. On a demandé à un gars pour venir nous aider, moi puis Gilles. Puis, j'ai commencé à dire que j'étais dans des domaines de psychologie. Puis là, il dit, ah oui, j'ai suivi ça longtemps, des coachs de vie, des affaires de même. Puis là, il était plus intéressé pour la rencontre de savoir ce que je faisais comme travail. Puis j'ai dit, en plus, je fais du tir de précision. J'étais un peu comme instructeur pour les gens qui veulent faire du tir de précision. Il dit ça aussi, il dit, j'ai le goût de me remettre là-dedans. J'adore le tir, puis les armes, puis j'ai des amis qui ont des M16. Dit, non, moi, c'est de la carabine de compétition, c'est pas du gun pour faire peur aux Indiens. Là. Okay. Puis là, c'est comme, ça connectait les choses. Puis j'ai dit, ah, lui, je vais le revoir parce que ma fonction a fit avec ses besoins. Ouais. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Bon, moi, je suis capable de lire tout de suite, là. Mais c'est comme, ouais, il venait pour faire du déménagement. Puis lui, pour lui, il est venu pour me rencontrer pour d'autres choses. J'ai dit, je t'aurais donné un CD, j'aurais eu ça dans le truck, mais je suis pas avec mon auto. Donc ça veut dire qu'on va se revoir. Parce qu'une fonction, quand elle a à s'appliquer, vous allez avoir des rencontres souvent. Souvent. Elle, là, elle se fait financer à hauteur de plusieurs montants d'argent parce que indynamique pour des gens qui ont connu... un drop d'énergie. OK? Fait que tu veux participer à... Tu sais, on disait tout à l'heure dans l'autre conférence, quand tu es proche de quelqu'un, tu peux capter son mal comme tu peux capter sa force. Moi, j'ai souvent financé, ou elle, je la finance souvent au niveau de choses, à cause de sa vitalité. Elle est très, très vitale. Fait que pour moi, là, elle rembourse... Peut-être qu'elle va me rembourser dans une autre vie, c'est pas important. C'est le fait de pouvoir partager un vital qu'elle a, qui est intuable, qui fait que, pour moi, c'est ça qui est important. Tous les gens qui vont la financer vont bénéficier de ses ressources vitales. Si elle est fatiguée, bien, c'est parce qu'elle a trop emprunté. Parce que là, elle nourrit occultement des gens, ses plans. Elle fait sa fonction, ses plans. Compte son gré, mais par rapport à des besoins. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ça. Tu comprends-tu? T'as une autre affaire, je vais être obligé de t'expliquer plus tard. OK? C'est bon, on va t'expliquer plus tard. T'es vital. Oui, ça, je comprends. OK. T'as eu bien des amants. Le gars, il venait se plugger pour remplir son avion. C'est ça, je pense. S'il voulait flyer, il a besoin de gaz, puis il venait gazer avec toi. Pourquoi tu penses que ton moineau, là, ultra-riche, là, comment il s'appelle, Ben Affleck, là, non? C'est comment il s'appelle? Ton... Ben, c'est lui en Ontario, Toronto. Bruce. Lui, là. OK? C'est ta batterie qu'il voulait avoir, lui. Mais il ne donnait rien en échange. Reset. Il faut qu'il y ait un échange pour ton dénigrir, là, même chose. Pour qu'il puisse bénéficier de ta drive puis avoir les yeux tout clairs. Pour toi, une histoire de sexe, c'est une histoire de présence. Et quand les gens commencent à connaître leur fonction, ben là, ils commencent à savoir la valeur qu'ils ont pour les autres. Surtout s'ils rappellent souvent. Ou qu'ils envoient des fleurs souvent. Parce qu'ils cherchent quelque chose. Comprends-tu? Oh bien, tout ce que les gens font pour se reconnecter avec toi établit une reconnaissance occulte de ta fonction. Qui passe par la forme, mais qui n'est pas nécessairement reconnue formellement. Moi, je mets un prix sur la fonction que j'ai, mais il y a bien des gens ici qui ont une fonction avec les autres, qui pourrait taguer, dire, écoute, c'est 25 de l'heure, c'est 40 de l'heure, c'est 100 de l'heure. Comprends-tu? C'est ça. Mais vous n'êtes pas nécessairement capable de le faire parce qu'il y a le phénomène de reconnaissance de l'autre puis d'acceptation de l'autre parce qu'il n'est pas capable de voir ce que ça fait. Mais psychiquement, ici, ce qu'il vit, et il recherche qu'il vit sans savoir... Mais il sait que s'il est avec une autre, ça ne se passe pas de la même façon. Puis là, il va rechercher la personne avec qui il est capable de vivre quelque chose. Vous savez? Mais il y a beaucoup d'orgueil hein, dans la société. Fait que les gens ont toujours l'impression que s'ils ont besoin de quelqu'un, ils sont plus faibles que la personne qu'ils vont aller chercher. Moi, j'ai perdu bien du monde parce qu'ils ne voulaient pas être plus petit que moi. Ils voulaient être égal. Tu ne peux pas être égal, sacrément. Tu n'as pas la même fonction que moi, là, Chris. Moi, je ne peux pas être égal à lui, si quand tu vas grimper d'un arbre, tabarnak. Je monte un escabeau, puis même pas un gros, là, et deux marches, là. Puis déjà, lui, il saute sur le comptoir, puis il va chier de la patente qui est sur l'armoire, puis il redescend en sautant encore. Moi, je le regarde, c'est mon héros, ça, là. Chacun a ses capacités, hein. C'est tout variable. Par contre, pour aller voir un film, c'est sûr qu'il va être dans sa bulle. Ça va être un étranger assis à côté de moi. Tandis qu'avec toi, tu vas me poigner dans les côtes. Il est drôle, lui, là. Et oui, il n'est pas obligé de me casser une côte pour me le dire. Je suis capable de le voir, là, tu sais. Tu as deux films quand tu vas avec Claire Cinéma. Il y a le film que tu vas vivre, puis il y a le film que tu regardes. Okay. Tandis qu'avec Gilles, c'est le film que tu regardes. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Fait que c'est des aliments très simples qu'il faut être capable de regarder. Essayez de ne pas mettre votre ego pour chercher de l'ampleur, de l'importance, de l'autorité. Alors regardez juste que ça fait ça, ça va le faire jusqu'à votre mort, puis ça ne se perdra jamais. C'est ça qui est important de comprendre. Ça ne se perdra jamais. OK. OK, en période de questions. Là, vous allez souffrir parce que je ne vous ai pas dit personnellement c'est quoi votre fonction. Pourquoi tu dis que ça ne se perdra jamais? Parce que tu es venu au monde pour ça. Ah. Quand est-ce que tu meurs, tu penses? Hein? Ben, quand ta fonction est finie. Non, elle n'est jamais finie ta fonction parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ramasse le drapeau. C'est quand tu n'es plus capable, égoïquement, de faire ta fonction. Tu as créé trop d'interférences dans sa dimension occulte. C'est quoi ces interférences? Tu as créé trop d'interférences dans la dimension occulte. Tu as rendu ça trop au niveau de l'ego. Ah, OK, je comprends. Ça veut dire que la fonction, c'est pour les autres? La vie, c'est pour les autres. Tu évolues à travers ce que tu fais pour et avec les autres. L'évolution n'est pas dans ta réflexion, tes pensées et tes idées. Ça, c'est des embryons qui fonctionnent de même. Toi, t'en es un embryon. Tu n'es pas un papillon à maturité. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tu es trop dans le « je suis » ou le « je veux être ». Tu n'es pas dans le « ça se passe ». Toutes les gens qui sont dans le passé, dans une évaluation quasi constante de ce qu'ils sont pour les autres, ces choses-là, c'est des gens qui n'ont pas de maturité, qui n'ont pas d'identité. De l'identité, ça ne se questionne pas. De la personnalité, ça se questionne tout le temps. Quand quelqu'un est toujours en train de se questionner, il est dans de la personnalité. Quand quelqu'un ne s'occupe plus d'être, mais il est dans une projection constante. Là, il y a de l'identité. Moi, je suis capable de rentrer en fonction dans un Tim Hortons, n'importe où. Quand j'étais avec le gars là, qui voulait venir nous aider, lui, il y a une carte d'affaires, c'est marqué « peintre, démolition ». Il essayait d'être tout ce qui peut être possible d'être dans la construction pour se tirer de l'ouvrage. Bon, pour moi, ça veut dire que c'était un gars qui est dispersé, qui est éclaté. Puis quand j'y parlais, bien, je le regardais, j'étais un peu fixe sur son cas pour voir qu'est-ce qu'il avait besoin. Bien, j'étais en fonction. Oui, je suis dans le développement, je le sais, puis j'ai pas besoin de me questionner là-dessus. Fait que je parlais avec beaucoup d'assurance, beaucoup de présence, puis je savais qu'il avait besoin de ce que j'avais comme fonction, point final. Tandis que vous autres, essayez de savoir si vous avez reconnu, y a-tu vu que je savais des choses qu'il savait pas? Vous êtes tout le temps dans le questionnement de l'événement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tabarnak, là, chez lui, cet événement, il est marqué d'avance. OK. C'est-tu clair? Pour la soirée? Tu l'as entendu pour ça. Faut croire que ça débouche dans les oreilles quand c'est ça, hein? Et tu entends ce que tu veux, dans le fond. Question. Avec le principe que Bernard avait développé avec l'intérêt vital d'un être humain. C'est pareil. Intérêt vital, ta fonction, c'est un gain. Ah ouais. On joue avec des mots. Qu'est-ce qu'il avait dit, Bernard, sur l'intérêt vital? C'est l'aspect pratique de ta fonction universelle. Autrement dit, si tu es capable de... Capable de le rendre applicable, si tu veux, ça devient ton intérêt vital. Oui. Ça part quand même de quelque chose qui est psychique. Ouais. C'est ça. C'est parce qu'il y a tellement de gens qui se disent que je vais faire dans la vie. Et tu le fais déjà, ce que tu as à faire dans la vie. Tu as juste à le... à le dresser. Parce là, qu'un enfant, il peut reconnaître son, sa fonction, mais c'est comme si c'est peu applicable dans son cas, mais aussitôt qu'il rentre dans la vie sociale, il est capable de l'appliquer, puis d'en bénéficier, si tu veux. Est-ce qu'on est capable de bénéficier de ta fonction universelle? Ou bien c'est totalement hors de l'ego? Ta fonction, moi, je ne dirais pas qu'elle est universelle. Je dirais qu'elle est particulière à toi, mais qu'elle peut s'universaliser. Mais mets ça à la portée de qu'est-ce que l'ego est capable de contenir. Parce que quand tu parles d'intérêt vital, tu parles de quelque chose qui demande un salaire défini, mm-hmm. avec des heures de travail, puis un type d'engagement quelconque. Okay? La fonction n'est pas universelle dans le sens que, oui, tu peux la faire partout dans le monde, mais tu as quand même un cadre que l'ego va pouvoir contenir ou ne pas contenir de ta fonction. C'est très occulte, mais c'est très réalisable. Dans le réalisable, c'est limité. C'est pas. Moi, je ne peux pas dire que je suis universel. J'ai pas un travail j'ai un travail qui pourrait se faire universel dans un meilleur temps. Mais là, je suis trop vite. Dans la société, je suis trop vite dans la science que je suis capable de parler. J'ai très peu de monde qui sont capables de l'appliquer. Donc, je ne suis pas dans le bon temps. Donc, est-ce que ta fonction est universelle? Dans 2 millions d'années, oui, ça va être universel. Mais actuellement, c'est très particulier à un environnement que l'ego ne peut pas échapper à l'aspect limitatif de la compréhension des gens. OK, je peux parler universellement de la même façon, mais je ne peux pas regarder une application de ce côté, en guillemets, universel, qui n'est pas digestible pour l'ego, présentement. Fait que j'accepte l'idée d'être limité, mais je sais que c'est ma fonction dans le sens occulte du terme, qui vient de force universelle, mais qui, dans ma vie, n'est pas applicable à universaliser. Mm-hmm. T'sais, un gars comme Trudeau peut faire plus d'ouvrages que moi sur une période d'une semaine, que moi, je peux en faire dans toute une vie, là, au niveau de l'application puis la réalisation. Écoute, je suis avec des gens comme j'avais Benoît, puis Luce, il y a un petit scratch d'ego, là, tabarnak, 25 ans qui flushent, là, bang, comme ça. Tu vois bien qu'ils n'ont pas appliqué qu'est-ce que c'est de la conscience, puis que 25 ans, dans le même état d'esprit, ça n'aurait pas amélioré grand-chose. Comprends-tu? Mm-hmm. Ah, ils sont partis, point final. Qu'est-ce que tu fais? T'es topé. Quand t'es topé. Pour vraiment une hostie niaiserie, là. Mais c'est qu'est-ce que tu veux? Un top, c'est un top. Ouais, c'est. Moi, un autre 100 kilos plus loin que Dundee, puis j'étais topé. Et 3 heures, venir faire une conférence, puis 3 heures pour retourner chez vous, là, j'étais un petit peu comme whoopé-lay! Pas capable. Donc, je peux pas m'universaliser au niveau de l'ego, mais mon message peut être universel. Puis encore universel. Planète Terre seulement. Planète Terre, ce genre, les Arabes dans 1000 ans, là, tu sais. Fait que même planète Terre, c'est pas vrai que je suis universel, tu sais, dans ce sens-là. Question? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour l'ego d'être capable de reconnaître cette fonction-là? Si tu la reconnais réellement? Tu vas en bénéficier automatiquement. Oui, tu vas en bénéficier parce que tu te questionneras pas sur... une valeur. Mm-hmm. Tu sais, tu vas savoir que tu es venu ici pour faire quelque chose. Tu n'es pas dans le néant. Écoute, moi, j'ai rencontré des gars qui veulent se suicider. Pour eux autres, ils valent tout le temps rien. Ils n'ont pas de raison d'être, ils n'ont pas de... Mm-hmm.